voici du rap crado. Pour 4 ou 5 pédasses comme les scratchs de mon solo. Sur l'album ODS, un truc qui t'ouvre les fesses. Pute les fracasses qui met la foule sous stress. Quand on lâche les infrabasses, c'est sale mais classe. L'escapade des deux salopards, le retour de The Gua et de Benny Blanco Patard. Ma version de classe X hardcore sera pour plus tard. Quand les tarés d'ODS et de Déjà Mort tiennent la barre. C'est extrême, comme un tox qui n'a plus d'héroïne. Ou une grosse cochonne à poil qui cherche à sucer une pine. La concurrence débine. Dès que l'instru saigne, elle devra courir vite. Si elle ne veut pas prendre de peigne, allez teigne. Payez la dîne pour faire croquer ton bise. Nous on veut des clips US, du champ, des câbles et des bitches. En attendant ma tease, ça reste de la Heineken. Et le bolide que je pilote, une ZX Citroën. Rap seigneur du putain de son, c'est ce que nos gars veulent. Hémorragie nasale à la salle, anal à l'hôtel. Gênant comme un caillot de sang dans le lobe frontal. Encore un truc de dingue petit, c'est pas du cost. Rap seigneur du putain de son, c'est ce que nos gars veulent. Hémorragie nasale à la salle, anal à l'hôtel. Gênant comme un caillot de sang dans le lobe frontal. Encore un truc de dingue petit, c'est pas du cost. Pendant nous pour nous sont nos thèmes. Va niquer tout madre comme un TM. Benny et Zeg, reporter de guerre comme CNN. Pas la chaîne, mais le duo que forme Noriega et Carpone. Réunion de rappeurs de le style Tarson. Un coup de tesson, rap indécent comme un inceste. J'ai pas baisé ta meuf, j'avais pas la capote. Elle faisait crainte et j'ai bien fait car t'as l'air malade. On dirait que t'as le syndrome des champions comme Queen. J'ai pas les mêmes chromosomes que ceux qui paradent dans les gay pride. J'ai les mains qui sentent la viande comme Chicky Carlo dans Doberman. Check mon son, check mon flow, laisse le robinet de Watt ou Verman. Laisse donc que je place une dédicace pour ceux qui inscrivent déjà me rebattre leur graphe. Les ouais. De ouf, éloigne-toi des baffes si tu veux pas que mon son balafre. Hardcore comme un vieux sommaire du ministère. Ou l'équipe chargée de la maintenance d'un submersible d'ex-URSS. Ouais, c'est là que tout se corse, là que tout commence. Quand certains réclament l'indépendance et disent qu'ils sont en soi-disant business avec le meilleur label de France. Rap seigneur du putain de son, c'est ce que nos gars veulent. Hémorragie nasale à la salle, anal à l'hôtel. Gênant comme un caillot de sang dans le lobe frontal. Encore un truc de dingue petit, c'est pas du ghost. Rap seigneur du putain de son, c'est ce que nos gars veulent. Hémorragie nasale à la salle, anal à l'hôtel. Gênant comme un caillot de sang dans le lobe frontal. Encore un truc de dingue petit, c'est pas du ghost. J'oublie pas les putes qui ont fait les belles pour ma première compile. Pour la seconde et pour la suite, voudrait me sucer la bite. Y'a la jalousie qu'on suscite, la concurrence on excite. Le public nous plébiscite. Pour des infos, va check notre site. V'là tour de la clique, par balle de longue sur le dos. Y'aura guère qu'un soir de cuite que tu pourras me shooter dans le dos. Écoute-moi sur mixtape, en démo, sur album, en solo. Et lève tes bras en l'air, voilà un nouveau braco. T'écoutes mon son et tu dis merde, quel enfoiré de pervers. Estime-toi heureux que je sois pas le père de ton gosse. T'étais encore que jeune scarabée dans la confrérie des casseurs de boîtes. Qu'on était déjà moine. Si tu me crois pas, demande confirmation, snack d'Akim. Rap saignant comme deux siamois séparés à l'acier à bois sans anesthésie. Les monstres d'Anastasia, un garde à vue chez les nazis. Une mise de gars avec Vanderlei da Silva. Rap saignant du putain de sang, c'est ce que nos gars veulent. Hémorragie nasale à la salle, anal à l'hôtel. Gênant comme un caillot de sang dans le lobe frontal. Encore un truc de dingue petit, c'est pas du gospel.